en présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, mais selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, et mon état ne servira la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 15e et dernier épisode. Allô, Edmond? C'est toi, Edmond? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Edmond, il faut que je te parle. Ça fait plusieurs jours que je ne me sens pas bien. La voisine m'a dit, Madame Serling, vous devriez appeler le médecin de Nillier. Mais je ne veux pas. Ça m'est bien égal de mourir. Seulement, je ne peux plus rester comme ça sans te parler. J'ai des choses à te dire. Alors je voudrais que tu viennes me voir. Tu veux bien? Dis, tu veux bien, Edmond? Madame, je ne vois pas qui vous êtes. Allô? Elle a raccroché. Je raccroche à mon tour et je sors. Dans la salle d'attente, inondée de soleil, la pendule assiette indique 15 heures. Personne n'a envie de voir un médecin par un temps pareil. Je me plante devant la carte d'état-major épinglée au mur derrière le bureau de Madame Leblanc. Nillier. Le nom ne me dit rien. Ce n'est pas dans le canton. Je doute même que ce soit dans le département. Je retourne dans le bureau et je compose le numéro de Madame Leblanc. Elle est aussi perplexe que moi. Nillier? Non, ça ne me dit rien. C'est pas dans la région. Et quel nom vous avez dit? Serling. Non, vraiment, je vois pas. C'était urgent, vous croyez? Je ne sais pas. À l'entendre, oui. Bon, je ne vous ennuie pas plus longtemps. Vous avez de la route. Au revoir, Madame Destouches. Au revoir, docteur. Je me lève. Restez assise. Tu as l'air surpris. Tu as beau dire ne bougez pas, ne bougez pas. Je me lève tout de même. Je m'appuie sur le bord de la table. Je te serre la main. J'incline la tête, comme si la poignée de main ne suffisait pas. Et puis tu tires la porte derrière toi. Et tu sors. Je me laisse retomber sur mon fauteuil. Je repense à ce que tu m'as demandé, si je ne m'ennuyais pas trop, si je ne me sentais pas trop seule. J'ai dit non, que j'avais de la compagnie presque tous les jours, que c'était bien rare s'il se passait 2 heures sans que je voie quelqu'un. D'abord, il y a Madame Barbet, qui vient faire ses 2 heures 3 fois par semaine. Et puis il y a Madame Queneau, l'infirmière, qui vient tous les matins me refaire mon pansement. En ce moment, je vois souvent le facteur. Il a toujours une lettre recommandée à faire signer, un papier des impôts, ou ne serait-ce que le journal. Et ils s'invitent souvent à prendre le café quand Madame Barbet est là. Ils ont l'air d'aimer bavarder ensemble. Il y a aussi le notaire. Il sait bien que je ne peux pas me déplacer. Alors il vient me voir. Et puis il y a ma fille. Elle vient presque tous les soirs, juste avant dîner. Elle vient avec son mari. Mais il reste dans sa voiture. Il n'a pas trop envie d'entrer. Et à vrai dire, je n'ai pas trop envie de le voir. Ma fille, je n'ai pas très envie de la voir non plus. Je ne veux plus lui parler. Je ne lui parlerai plus. Ça me fait trop mal de la voir venir tous les soirs, comme si elle voulait se faire pardonner, alors qu'elle sait bien que ça ne ramènera pas Georges. Je lui avais bien dit qu'il ne le supporterait pas. Je lui avais dit... Georges, il est comme il est, mais il ne supportera pas d'être enfermé. Si on l'enferme, il se laissera mourir. Je le savais. C'était mon fils. Georges, il n'a jamais eu que moi dans la vie. Il n'a jamais pu se trouver une femme, forcément. Alors la seule qui le comprenait, c'était moi. Et je crois bien qu'il était le seul à me comprendre, à sa manière. Mais il n'a pas dû comprendre que je le laisse enfermer sans rien dire. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Je ne comprends pas comment il a fait avec un seul bras. Il est tellement lourd. Et il n'arrivait même pas à faire ses nœuds de lacets tout seul. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Je n'aurais pas le courage. L'idée d'étouffer, ça me fait peur. Il vaut mieux s'endormir et ne plus rien voir. Quand mon mari a fait sa cirrhose, il ne dormait plus. Il était infernal. À l'époque, le médecin m'avait donné des comprimés. Ils étaient très forts. Le médecin avait dit qu'il ne fallait pas en prendre trop. Au début, mon mari somnolait juste. Mais au moins, il ne cassait plus rien. Un soir, tout de même, il a fini par s'endormir complètement. Il ne s'est pas réveillé. J'avais gardé les comprimés, juste en cas. Bon, depuis le temps, ils doivent être périmés. Mais pour ce que je vais en faire, ça n'est peut-être pas plus mal. J'arrive à Tourmance pour le colloque auquel tu participes. Littérature et médecine. Oh, ce n'est pas que je m'y connaisse en recherche scientifique, mais tu vas parler et j'aimerais bien savoir ce que tu as à dire, avec tout le temps que tu passes à écrire. Le titre de la communication, c'est « Souffrir, soigner, écrire ». Dans la salle, il y a beaucoup de monde, et même plein de patients du cabinet. Les nouvelles vont vite dans le bourg. Alors je me dis que cet après-midi, avec un peu de chance, ce sera tranquille pour le docteur Boigio. Et ça m'apaise, parce que je l'ai laissé tout seul. Bonjour. Excusez-moi. Ah, il y a des gens que je connais dans l'assistance. Merci d'être là. Lorsque j'étais enfant, ou juste adolescent, je ne m'endormais jamais le soir sans penser « Un jour, il faudra mourir ». Serré entre mes draps, je priais. À l'époque, je n'avais que ça pour combattre la terreur. Plus tard, j'ai consommé beaucoup de mouchoirs en papier. Et beaucoup plus tard, j'ai vu des hommes de 35 ans cloués au lit par une tumeur au cerveau. Des vieilles femmes éventrées. Des petites filles à l'abdomen distendu par un lymphosarcome. Des hommes et des femmes qui ne dormaient plus et geignaient. Mon foie est foutu. Foutu foie, ce juif de l'organisme. Il a toujours tort, même quand il n'y est pour rien. Mais lorsqu'il est gros et dur et infiltré et marronné, lorsque les doigts palpent les métastases sous la peau, on sent ses yeux fuir des yeux de l'autre. On entend sa voix devenir nasillarde. On se sent à la fois très con et très petit. Petit à hurler. Comme tout le monde, j'imagine, je me suis longtemps demandé de quelle manière je mourrais. Je commençais, c'était plus facile, par faire la liste des maladies que je n'aurais pas. Évidemment, à l'âge où je pouvais me poser la question, je ne pouvais déjà plus succomber à un accident obstétrical ou à une mort subite du nourrisson. Les cancers de l'utérus ou de l'ovaire me seraient épargnés. Et rapidement, ça s'est mis à glisser. Les cancers du sein, on en voit chez l'homme. Les accidents de la route, ça arrive à tout le monde. Il y a aussi les ruptures d'anévrisme, ces petites malformations des artères qui se dilatent avec le temps et qui finissent par péter un jour sans crier gare, pendant qu'on pousse un meuble ou qu'on soulève un canapé. Comme vous l'imaginez, j'ai vite cessé mon énumération. Il y avait tout de même autre chose à vivre. Et puis un jour, j'ai vu des morts. Et ils m'ont fait comprendre que la mort défie notre imagination. Je m'étire, je me lève. Je me dis que la sonnette de la porte d'entrée n'a pas retenti depuis longtemps. La fenêtre est ouverte. Le soleil joue dans le cerisier. Je regarde dans l'annuaire. Serling. L'annuaire électronique m'apprend que M. Edmond Serling vit à l'autre bout du département. Allô? Allô, M. Edmond Serling? C'est lui-même. Pardonnez-moi de vous déranger. Docteur Boisjo, je suis médecin à Plaix, de l'autre côté de Tourmence. J'ai reçu un appel d'une dame qui se trompait de numéro et qui voulait à tout prix vous parler. Une dame? Des morts comme vous et moi. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Des insuffisants cardiaques, bleus d'avoir étouffé. Des hommes exsangues d'avoir perforé leur estomac. Des femmes jaunes comme un coin de s'être fait avortuer par une crapule diplômée de la faculté. Des hommes de 60 ans jetés sur leur lit, le visage rouge d'apoplexie. Des cancéreux décharnés, des enfants cassés de partout, des grands handicapés recroquevillés, contorsions figées pour l'éternité. J'ai vu des noyés qui s'étaient couchés, les bras croisés, dans un ruisseau. Des pendus tirant tranquillement la langue à leur chienne de vie dans un cabanon abandonné ou adossés paisiblement à un arbre dans un jardin. J'ai vu des veufs qui, après avoir rangé tous leurs papiers, fait leur vaisselle et leur ménage, donné à manger à leur chat et éteint toutes les lumières, s'étaient allongés dans le noir, dans le cellier, sur de vieux sacs à pommes de terre pour ne pas mettre du sang partout, et s'était tiré une balle dans la tête. Tous ces morts m'ont appris une chose paradoxale, une chose insupportable et pourtant irréductible. C'est qu'il est moins douloureux de penser à sa mort que d'aimer. Car si nos corps vivent, c'est grâce au corps de l'autre. De l'être aimé. Aimer, c'est être impuissant contre le temps et en avoir conscience. Aimer, c'est savoir que l'amour n'aura qu'un temps, tout le temps de la vie peut-être, mais seulement ce temps-là. Aimer, c'est savoir que si l'on ne meurt pas le premier, on verra l'autre mourir. Qu'on verra la vie et l'amour mourir chez l'autre, avant même que l'autre ne meure, et qu'en voyant l'autre mourir, on mourra tout vif. Que deviendra mon corps quand l'autre ne sera plus? Que deviendra ma vie? Que deviendra ton corps quand j'aurai disparu? Je ne sais pas. Cela, mes patients ne me l'ont pas appris. Ils m'ont seulement montré qu'il y a toutes les raisons d'avoir peur de la vie, aucune d'avoir peur de la mort. Les morts ne sont pas effrayés. Ils ne bougent pas, ils ne disent rien. Ils ont souvent la bouche ouverte parce qu'ils sont fatigués de l'avoir fermée si longtemps. Leurs paupières sont molles, leur peau est jaune et leurs mains ne parlent plus. C'est froid, un mort. Froid et flasque. Pas froid comme la mort, mais froid. Je ne comprends pas. Je pense que c'était une mauvaise plaisanterie. Ma mère habitait près de Nillier, à 300 kilomètres d'ici, mais elle n'a pas pu vous téléphoner. Elle est morte il y a 20 ans. Je suis désolé. Je ne sais pas qui a pu faire une farce pareille. Et pouvez-vous me redire ce que cette dame vous a dit? Elle a dit qu'il fallait qu'elle vous parle. Elle avait l'air inquiète. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien depuis quelques jours et que même si sa voisine lui avait dit d'appeler le médecin de Nillier, Tout ce qui lui importait, c'était de vous parler et de vous voir une dernière fois. Voilà. Mm-hmm. Excusez-moi, c'est un peu le bordel dans les feuilles. Vous, le médecin, on vous appelle et on vous dit « Désolé, je l'ai trouvé ce matin en allant le chercher pour un petit déjeuner qu'il ne vient jamais prendre si tard d'habitude, même dimanche. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester au lit, mais là... » Alors vous vous mettez bêtement à ausculter un abdomen gargouillant, à palper vaguement un thorax que plus aucun souffle ne soulève, à scruter des yeux aussi ternes que ceux d'un rouget dans une poêle, pour faire comme si, pour pouvoir dire qu'il n'y avait rien à faire, que l'on n'a rien pu faire, pour qu'on ne puisse pas dire que l'on n'a rien fait. Ou alors c'est un vieux ou une vieille tombée d'un coup sur le champ brutalement dans la cour, sur la moquette ou au pied de l'escalier, et il faut le transporter jusqu'au lit, le tourner. « Oh mon Dieu, qu'il est maigre, je ne m'en rendais pas compte. Oh mon Dieu, qu'elle est lourde, on dirait pas comme ça. » Et vous tombez la veste, vous remontez vos manches. « Je vais vous aider. »« Merci docteur, c'est vrai, il faut le, la préparer. » Tenez, vous voulez bien m'aider à lui enlever sa chemise de nuit ? Souillée, ou sa chemise à carreaux qui se boutonne aux deux tiers et qu'il faut sortir par la tête. Même quand ils ne sont pas encore raides, c'est difficile. Les bras sont livides et glacés et lourds comme du marbre, mais aussi fuyants, brisés aux jointures. Quand je pense qu'il avait tout le temps mal à son épaule, j'aurais jamais cru qu'on pourrait la lui lever comme ça pour le déshabiller. Et puis le damar qu'elle portait toujours. Et sa cravate au cou, c'était sa préférée. Ou alors, le camé que sa nièce lui a offert pour nonos. Oh là là, et sa montre ! J'ai failli l'oublier. Et quand c'est terminé, on glisse un drap propre sous le corps, à nouveau présentable. Ça, c'est pas compliqué. Il n'y a plus qu'à lui donner un coup de peigne, et ce sera parfait. Sauf qu'il a encore la bouche, un œil ouvert. Mais vous arrangez ça avec un coton mouillé sur la paupière, un foulard pour lui maintenir la mâchoire, le nœud sur le sommet du crâne comme un œuf de Pâques, pendant quelques heures. Le temps que les enfants arrivent, ça bougera plus. Ils le verront tout beau. Maintenant, ce sont les larmes qu'elle s'essuie d'un coin de mouchoir, le nez qu'il se frotte au bord de sa manche. Belle comme le jour de la communion du petit. « Mais excusez, j'abuse. Si vous voulez venir vous laver les mains, et vas-y que je te frotte avec le bout de savon usé jusqu'à la corde dans un bout de lavabo écaillé, et vas-y que je t'essuie avec un bout de serviette éponge. » Et vous reboutonnez les manches de la chemise, vous retournez dans la chambre, vous ramassez vos affaires. Stéthoscope, bon à rien. Tensiomètre, fantoche. Vous pourriez lui pomper le bras pendant 100 ans, sa tension ne sera jamais plus basse qu'aujourd'hui. C'est étrange, voyez-vous. Je ne veux pas vous embêter avec ces vieilles histoires, mais ma mère est morte brutalement, une crise cardiaque. Elle ne se sentait pas bien, et sa voisine lui avait dit à plusieurs reprises d'appeler le médecin, puisqu'elle avait le téléphone. À l'époque, beaucoup de personnes âgées ne l'avaient pas. Je le lui avais fait installer, mais elle ne l'utilisait jamais. Nous étions brouillés, histoire stupide. Quand on l'a retrouvée, elle était assise dans son fauteuil, le téléphone à la main. J'avais toujours cru qu'au moment de mourir, elle essayait d'appeler le médecin. Bien avant de devenir médecin, j'écrivais. Mais quand on est médecin, écrire, à quoi ça sert ? Et j'aurais voulu... J'ai peut-être eu l'idée déjà, je l'ai aujourd'hui en tout cas, coucher sur le papier le nom de tous les patients que j'ai vus mourir, de tous les bébés que j'ai vus naître. Et tant qu'à faire, celui de tous les gens qui sont venus me voir, qui m'ont un jour fait venir. Mais lesquels ? Ceux que j'ai véritablement soignés ? Ceux qui m'ont appelé pour quelqu'un d'autre ? Car on soigne toujours celui qui demande quelque chose, même s'il dit que ce n'est pas pour lui. Ceux qui n'ont fait que m'aborder dans la rue avec une question anodine ? Ceux qui sont restés debout dans la salle d'attente et sont repartis en me voyant ? Ceux qui m'ont demandé un simple certificat, Ceux qui prennent rendez-vous et oublient de venir? Ceux dont on ne comprend jamais pourquoi ils viennent? J'aurais peut-être pu ou dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. On ne pense pas à faire ce genre de choses quand on se met à soigner. Aujourd'hui, on incite les médecins à tout engouffrer dans un ordinateur à des fins épidémiologiques, statistiques, comptables. Mais personne ne semble vouloir graver dans sa mémoire le nom et le visage des gens. Se rappeler la première rencontre, les premiers sentiments, les étonnements, les détails comiques, les histoires tragiques, les incompréhensions, les silences. J'ai vu passer des milliers de personnes, mais en cet instant même, je ne pourrais spontanément en évoquer qu'une douzaine. 20 en me détendant. 50 peut-être en me forçant un peu, mais guère plus. Alors, je crois qu'écrire, pour un médecin, comme pour n'importe qui, c'est prendre la mesure de ce qu'on ne se rappelle pas, de ce qu'on ne retient pas. Écrire, c'est tenter de boucher les trous du réel évanescent avec des bouts de ficelle. Faire des nœuds dans des voiles transparents en sachant que ça se déchirera ailleurs. Écrire, ça se fait contre la mémoire et non pas avec. Écrire, c'est mesurer la perte. Merci. Que je n'imaginais. Asseyez-vous. 40 ans au moins. Ton visage est marqué de petites cicatrices. Asseyez-vous, je vous en prie. Tes cheveux grisonnent. Tu es un peu dégarni, mais tes cheveux sont propres et courts. Que puis-je faire pour vous ? Tu as dû te couper en te rasant ce matin, car ton cou porte quelques traces de sang séché. Tu as un nez aquilin, le dos voûté, de la brioche. Tu souris à ton tour. Une de tes incisives du haut est ébréchée. Je vous ai appelé hier soir pour prendre rendez-vous, mais je ne viens pas vous voir parce que je suis malade. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a un autre nom sur la plaque, mais vous êtes Martin Winkler, n'est-ce pas? C'est bien vous qui avez écrit « La maladie de Saxe ». J'ai fini de le lire à l'instant dans la salle d'attente. En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. C'était La maladie de Saxe de Martin Winkler. Adaptation Pauline Timonier. 15e et dernier épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et Flora Brunier, Nita Klein, Marie Daude, Tadi Etuené, Guy Lamarque, Pauline Jambet, Sophie Bourrel, Hervé Colombel, Anna-Amélie Heinz, Clément Laguarde, Jacques Leplus, Natacha Laitier, Florent Houlier, Olivier Piloni, Antoine Sastre, Émilie Tracente, Pauline Ziadé. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation, Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche.